Vous suivez la radio Isanganiro et c'est l'heure du journal. Si vous venez de nous rejoindre, voici le sommaire. Les sénateurs burundais ne comprennent pas pourquoi le ministère des Finances tarde à concrétiser le dégel des annales dans des institutions à statut spécial. Ils voient une façon de poser le chef de l'État aux employés de ces institutions. Et certains habitants du quartier Gatunguru, riverain de la rivière Gasseni, appellent à la finalisation des travaux de déviation des eaux de cette rivière. Ils rapportent que des inondations les menacent quand il pleut. Pour l'Office burundais de la construction Obura, la pénurie du carburant a constitué un des défis. Et certains commerçants œuvrant au marché d'Iruvumera, à mairie de Bujumbura, saluent la nouvelle mesure concernant la location des stands dans les marchés publics. Ils souhaitent que cette décision soit mise en application dans les meilleurs délais. C'est un reportage à suivre dans cette édition. Eric Ouimana assure la mise en onde à la présentation. Jean de Dieu Irakodze, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue dans les détails. Un employé de la fonction publique en province Kayanza est dans les mains de la police judiciaire depuis la nuit de ce samedi à dimanche. La semaine passée, il aurait été surpris en flagrant délit en train de voler dans le bureau du directeur de l'hôpital Kayanza. Le procureur de la République à Kayanza indique qu'un procès de flagrance pour ce cas est prévu ce 28 décembre l'année courante. Expliqua que le présumé voleur aurait été accusé de cas similaires ces derniers jours. Les sénateurs ne comprennent pas pourquoi le dégel des annales dans les institutions à statut spécial n'est pas encore effectif. Ils estiment que cela est une façon de poser le chef de l'État aux employés de ces institutions. Le ministre des Finances argumente qu'il y a à corriger dans ce dossier. Il ajoute en outre qu'une commission a été mise en place pour en finir avec cette question et qu'un conseil des ministres compte se pencher de nouveau sur cette question la semaine prochaine. Les sénateurs ont adopté le projet de loi pour portant révision de la loi portant budget général de l'État, exercice 2023-2024. Pour plus de précisions, Gérard Nibigir. Lors de la séance plénière des sénateurs de ce mercredi pour adopter le projet de loi numéro 1/16 du 28 juillet 2023, portant modification de la loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2023-2024, les sénateurs n'ont pas compris pourquoi le ministère des Finances n'a pas encore mis en application la promesse du chef de l'État qui concerne le déblocage de la carrière et des gels des annales dans les institutions à statut spécial, et cela depuis plus de 6 mois, au moment où ce projet de loi prévoit une ligne budgétaire de 15 milliards de nos francs logés au ministère des Finances. L'honorable Karine Belize Dukundane, qui a évoqué la première cette question, a voulu connaître les raisons de cette situation. Au même moment, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, s'est étonné de voir que la parole du chef de l'État n'a pas été prise au sérieux par le ministère des Finances. À lui donc de laisser entendre que cela donne l'image de vouloir opposer le chef de l'État au personnel des institutions concernées. Cela parce qu'en principe, ce que dit le chef de l'État devient une loi qui entre en vigueur immédiatement. Il a alors exhorté le ministère des Finances et tout son personnel à se pencher le plus vite possible sur ce point pour rétablir dans leurs droits les employés des institutions à statut spécial concernées. Le ministre des Finances, Audace Nyonzima, a expliqué que beaucoup d'irrégularités ont été observées dans les rapports de calcul financier des salaires du personnel de chaque institution à statut spécial, et ainsi chaque institution a fait ses propres calculs alors qu'ils devraient être semblables. Il ajoutait que c'est pour cela qu'une commission a été mise en place pour harmoniser ces calculs, mais il signale qu'il faut un autre décret qui précisera si oui ou non le dégel des annales concernera la revue à la hausse du salaire de base. C'est ce même décret qui mettra de la lumière sur la montée des grades et échelons et qui fournira des précisions sur différentes primes et indemnités, a-t-il indiqué. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira pour toutes ces précisions. Les dettes intérieures contractées par les entreprises publiques et les sociétés à participation publique ne renseignent pas nécessairement sur leur santé financière. C'est du moins la nuance apportée ce mardi par le ministre des Finances quant aux inquiétudes de députés. C'était ce mardi lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016 sur la gestion de la dette publique. Cette dette des entreprises était de plus de 500 milliards de francs burundais en décembre 2022. Pour plus de détails, Mireille Kanyang. Ces 24 entreprises publiques et à participation publique totalisent des encours de dettes intérieures contractées au 31 décembre 2022, selon le rapport de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est notamment la brasserie et limonaderie du Burundi avec plus de 282 milliards de francs burundais, la régie des eaux avec plus de 148 milliards de francs burundais, le Natel avec une dette au 31 décembre 2022 de 75 milliards de francs burundais, l'entreprise Sosumo, la centrale d'achat des médicaments du Burundi Kamebu, et la mutuelle de la fonction publique avec plus de 7 milliards de francs burundais. C'est avec ces encours de dette que les élus du peuple ont soulevé leurs inquiétudes, vu que certaines de ces entreprises n'ont pas une bonne santé financière, ont indiqué ces députés. Ce qui m'a fort étonné, c'est ce qui est relatif à la mutuelle. C'est une entreprise qui vend des médicaments. Une opinion fait savoir que cette entreprise connaît des défis d'approvisionnement. Mais l'on voit qu'elle a une dette de près de 9 milliards. Comment se fait-il? Quelle est cette dette? Moi, j'ai regardé les dettes des entreprises Régie des eaux, Onatel et Cogeco. Exemple, c'est la Cogeco, de même que Onatel. J'ai vu que celle-ci a contracté une dette chez Huawei. Je ne sais pas si c'est en nature, mais c'est un endettement qui s'ajoute sur un autre, de façon que si rien n'est fait, elle fermera les portes. Moi aussi, je voudrais parler de la dette intérieure pour les entreprises publiques. J'avais des doutes parce que l'on s'attendait à une très bonne production, mais l'on trouve que ce sont celles-là qui pèsent lourd sur l'État. Sur ce, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, a précisé que le fait que ces entreprises contractent des dettes ne signifie nullement que leur santé financière est mauvaise. Ces montants de dettes ici mentionnés, ce ne sont pas celles que les entreprises n'ont pas remboursées. Nous avons mis des encours, c'est-à-dire des dettes, jusqu'au mois de juin, au regard de leurs états financiers. On ne dirait pas que toutes ces entreprises, leur santé financière est mauvaise. Pour certaines, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui contractent des dettes et qui continuent à bien fonctionner et qui donnent des dividendes. Ainsi donc, si une entreprise est endettée, cela ne signifie pas que sa santé financière est mauvaise. Ce projet de loi a été adopté en vue d'une gestion efficace et efficiente de la dette publique, a martelé le ministre des Finances. Merci à Mireille Kanyang. Le gouvernement burundais a pensé à la redynamisation de la société cyclière de Mosso en 2021, après avoir constaté qu'elle faisait face aux difficultés énormes. Le Conseil des ministres du 9 juin 2021 a procédé à l'analyse de la feuille de route pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation, modernisation et extension de cette société. En ce moment, ce Conseil des ministres avait estimé qu'il était nécessaire d'envisager l'ouverture de l'actionnariat de la Sosumo au privé afin d'augmenter son capital. La rédaction de la radio Isanganiro revient sur ce Conseil des ministres. Le point avec Évariste Nziko-Banyang. Pour une bonne mise en œuvre du projet, la feuille de route indiquait le chronogramme des activités qui devraient être réalisées, les échéances et les budgets relatifs. À l'issue de l'analyse de la feuille de route, le Conseil des ministres avait apprécié l'état d'avancement du projet. Néanmoins, il avait recommandé au ministre en charge de l'agriculture et des finances de collaborer avec la BRB pour séparer les activités qui pouvaient être financées en monnaie locale ainsi que les besoins en devises qui pouvait être supporté par la Banque centrale. Dans l'optique de croître la production du sucre au Burundi, il avait été recommandé d'encourager la population dans la culture de la canne à sucre en lui fournissant des semences afin de vendre la récolte à la Sosumo. S'agissant de l'extension de l'usine par l'acquisition de nouvelles machines, il avait été demandé à la Sosumo de prouver d'abord qu'elle a suffisamment de matières premières que l'usine actuelle n'est pas en mesure de traiter, car le constat était que les machines étaient au repos pour une grande période de l'année. Le conseil des ministres avait aussi recommandé d'envisager l'ouverture de l'actionnariat de la Sosumo privé afin d'augmenter son capital. Il avait aussi été demandé au ministre en charge des Finances de poursuivre les contacts pour l'obtention du financement du projet en ce qui concerne les aspects qui nécessitaient des devises. En fin de compte, en date du 27 novembre de cette année, le cabinet civil du président de la République a ordonné à la Sosumo d'accélérer le partenariat avec la société ougandaise Sarai Group, quitte à démarrer les activités avec le début du mois de janvier en 2024. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue. Certains commerçants œuvrant au marché d'Iruvumera, à mairie de Bujumbura, saluent la nouvelle mesure concernant la location des stands dans les marchés publics. Cette mesure fixe au double le tarif de location des stands par rapport au prix qui avait été fixé par la mairie ou les communes selon le projet de loi portant révision du budget général de l'État, exercice en cours. Ceux qui se sont exprimés souhaitent que cette décision soit mise en application le plus tôt possible. Le point avec Jean-Marie Mayong. Ces commerçants signalent qu'ils ont bien accueilli la mesure fixant paiement des stands au double le tarif qui diffère de celui qui a été fixé par l'OBR. Ces commerçants précisent que cela leur permettra de bien exercer leurs activités commerciales. Nous les commerçants du marché de Ruvumera, nous payons à la mairie 12 000 francs burundais par mois. Il y a quelques jours, les agents de l'OBR sont venus et nous ont fixé une autre somme de taxes de 250 000 francs burundais par mois. Une mesure qui ne facilitait pas nos activités. Comme cette place est trop étroite et on ne voyait pas où trouver cette somme. Ici, moi je veux payer 24 000 francs burundais car je payais 12 000. À l'époque, on payait 24 000, mais j'ai entendu un communiqué qui annonçait que nous allons payer le double de la somme qu'on payait à la mairie avant. Nous avons bien accueilli cette mesure. S'ils multiplient la somme par deux, ça ne nous dérange pas. La première mesure était trop lourde, voire même un fardeau. Il demande que cette mesure soit mise en application dans le plus bref délai pour qu'ils continuent à bien travailler. Qu'ils fassent vite pour mettre en application cette mesure. Nous sommes contentes. En plus, ils nous donnent ce message à la fin de l'année. Nous considérons cela comme un cadeau de la part du gouvernement. Nous étions vraiment mal à l'aise dans nos cœurs. Cette mesure fixe au double le tarif de location des stands selon le projet de loi portant révision du budget général de l'État en cours. Merci à Jean-Marie Mayonga et Page Société. Avant de clore ce journal, certains habitants du quartier Gatunguru, riverains de la rivière Gasséni, se lamentent que les travaux de déviation des eaux de cette rivière en cours de réhabilitation causent des inondations quand il pleut. Cela est confirmé par Alexis Sengiyumva, chef de la colline Gatunguru, qui demande à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de terminer ses travaux de réhabilitation dans les meilleurs délais. Au sein de cet office, on indique que la pénurie du carburant figure parmi les causes du retard des gens enregistrés concernant l'achèvement de ces travaux. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana s'est rendu sur le lieu. Son reportage. Certains habitants livellins de la rivière Gasséni en cours de réhabilitation dans la zone Lubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura indiquent qu'ils sont menacés par les eaux suite aux travaux de déviation de cette rivière. Ils estiment que des inondations s'ensuivent durant cette saison pluvieuse. Celui-ci fait partie d'innombrables. Ça doit être ainsi puisqu'on doit dévier l'eau de ruissellement pour passer à, en dehors donc des murs qu'on est en train de construire. Même si ça grisse les murs ou bien les terrains cultivables, ça ne va pas durer longtemps. Ainsi, la réhabilitation déjà terminée, on retourne l'eau de ruissellement dans les nouveaux murs. Même si ça cause des dégâts, mais ce sont des dégâts limitables. Donc on voit que s'il y a un peu de dégâts, on avertit la population pour qu'ils puissent se protéger. Il demande à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha de redoubler d'efforts afin d'achever ses travaux dans les meilleurs délais. Nous demandons à l'Obuha de doubler l'effort pour que ces activités puissent se terminer avant donc la fin de cette période de pluviométrie, afin que la population puisse donc récupérer les terres cultivables pour limiter les dégâts sur toutes les maisons qui peuvent couler causées par ces eaux de ruissellement. Alexis Nguyumva, chef de la colline Gatunguru, fait savoir que cette rivière emporte les propriétés des familles livellaines et demande à l'Obuha d'accélérer les travaux. Cette rivière n'est pas à négliger, mais ces travaux en cours apportent à léger mieux et diffèrent des constructions antérieures, même si cette rivière emporte les propriétés des familles riveraines. Nous voulons que ces travaux soient accélérés pour qu'elle retrouve son lit normal. Sinon, cette rivière risque de démolir d'autres maisons. Au sein de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha, l'on précise que pour le moment, plus de 2 km, si la distance totale de 3 km 500 mètres de cette rivière sont déjà réhabilitées. Le responsable de ces travaux ajoute que la pénurie du carburant et certaines maisons construites dans le périmètre réservé à ces travaux sont certains défis qui ont entraîné le ralentissement des travaux. Parle, rassure-moi. La pratique de partage entre les membres des différents groupes figure parmi les raisons qui peuvent contribuer à lutter contre le message de haine, selon certains habitants de la commune Rugombo, en province Cibitoke. Pour ces habitants, cela demande que les gens ressortissants de différents groupes se rencontrent souvent dans les circonstances heureuses et parlent des projets de développement. Au cas contraire, s'ils continuent à privilégier des rencontres au sein d'un seul groupe, ils rapportent que la méfiance peut s'installer, ce qui peut conduire à des soupçons lesquels conduisent des fois à des violences. La chronique Rennes est signée Francine de Hokubgayo. Ils habitent la colline Munyika 2 de la commune Rugombo en province Cibitoke. Ils témoignent que lors des fêtes, ils s'organisent ensemble et partagent avec les autres. Les gens regroupés en associations et autres partagent de la viande et de la bière dans les cabarets sans problème et rentrent chez eux dans le calme. Pour moi, ne pas être dans un même parti politique ou ethnique ne m'empêche pas de bien passer les fêtes de fin d'année avec mes amis. Dans des fêtes, au niveau des communautés, il faut souvent éviter la discrimination sur base de différences et cela permettra de ne pas créer un sentiment de méfiance. Lorsque nous partageons ensemble un verre à 10 en discutant, en blaguant et que nous avons une même appartenance politique et ethnique, les autres qui sont à côté de nous peuvent nous regarder d'un mauvais œil en grinçant leurs dents. Ils peuvent douter qu'on s'est mis ensemble juste pour partager un verre à Noël et considèrent que nous sommes en train de parler des sujets politiques. Et lorsque nous rentrons ensemble avec une personne qui n'était pas sur la même table que nous, elle peut mal te parler. Lorsque les gens se rassemblent selon qu'ils ont une même appartenance politique, ils s'engagent des dialogues qui prônent la discrimination envers les autres. Ils s'engagent également des dialogues qui montrent que celui qui n'appartient pas à un même parti politique que toi n'a pas sa place entre vous. Il naît alors des tueries. Firmin Abomoremni est le secrétaire exécutif et permanent de la commune Rugombo. Il indique que l'administration à la base a un rôle à jouer pour une meilleure cohésion sociale. Nous, les administratifs, nous devons rendre visite à nos dirigés en cette période de fêtes de fin d'année. C'est pour les inciter à partager ce qu'ils ont eu, surtout dans l'optique de renforcer la cohabitation et l'amour. Si les membres des différents groupes se retrouvent dans de telles rencontres, ils seront beaucoup plus préoccupés par leur bien-être et il y aura moins d'occasions qui pourraient pousser les gens à des violences. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Riku Imana assurait la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean de Dieu, il a causé bonne suite des programmes.